Zot ka koute Kon nan bi an le frekans Paris Pluriel 106.3. Welcome to Caribbean Authentic Creole, an explosion of Caribbean music and culture, powered by Caribbean. Vous êtes dans Kon Lambi, musique jeudi, avec EDS et une émission particulière puisqu'on s'est délocalisé en Martinique, au Vauclin, et on va vous présenter deux personnes qui ont mis en place l'application Caribbean. On va vous présenter tout ça, parler un peu de tout ça, une application pour les téléphones mobiles et d'autres activités aussi qu'ils ont. Donc on va vous présenter Mathieu Rose et Mike Ponin. Messieurs, est-ce que vous pouvez déjà, au-delà du nom, simplement vous présenter et nous dire comment vous en êtes arrivés à collaborer ensemble pour créer cette application Caribbean? Bonjour EDS et merci de nous recevoir. Moi c'est Mike, j'ai 36 ans. Je suis à l'origine justement de Caribbean sur la création la création d'applications et le lancement du produit. Et c'est quelque chose qui est venu à la base par rapport, on va dire, à mon expérience professionnelle qui était beaucoup autour de tout ce qui était technologie mobile. Et il y a un moment, j'ai voulu savoir qu'est-ce que j'allais apporter un peu à la Caraïbe. Et par rapport à ma passion pour la musique, c'est quelque chose qui s'est fait tout naturellement. Par la suite, justement au fur et à mesure des avancées, il est venu important de structurer le projet, structurer que ce soit avec une compagnie mais aussi avec une équipe. Et c'est là justement que Mathieu m'a rejoint en cours de projet et qui travaille avec moi aujourd'hui déjà depuis un an sur ce projet. C'est ça, donc moi c'est Mathieu Rose, j'ai 39 ans. Donc on va dire qu'avec Mike, on est des amis de longue date. Ouais, et en fait, on s'est retrouvés en fait, à travers le projet Caribbean, donc qui rejoignait un peu certains projets que j'avais en tête, que j'avais entamé et pas continué. Mais en le rencontrant et en voyant ce qu'il avait accompli, j'ai donc décidé, je lui ai proposé mon aide pour pouvoir continuer un bout de chemin ensemble. Donc j'interviens plus du côté technique, on va dire. Moi, par ma fibre commerciale, moi j'ai une belle expérience commerciale dans tout ce qui est les technologies. Donc ça fait une belle complémentarité entre le côté technique et le côté commercial marketing qui nous permet aujourd'hui de présenter le produit et de présenter surtout la marque caribéenne, puisque je dirais que c'est plus qu'un produit, et on aura l'occasion d'en parler, ça englobe pas mal de choses. Forcément, c'est qu'il y a quand même une étude de marché où vous décidez qu'il y a un besoin. Mm-hmm. Je voulais savoir comment cette étape-là, comment l'idée de l'application est arrivée. Et quel est le besoin que tu as ressenti dans ce domaine? Au niveau de l'application mobile, on est vraiment une génération digitale, on va dire. Depuis plusieurs années, on est baigné dedans. Par ailleurs, moi j'ai également vécu 15 ans en France, avant aussi de voyager en Haïti, à Dubaï et dans plusieurs îles de la Caraïbe, notamment Trinidad, Sainte-Lucie ou Dominique. Et le constat a été qu'il était un peu le même partout, quoi. Que ce soit sur la Martinique, les DOM ou sur les autres îles de la Caraïbe, qu'il y avait vraie lacune et, sur tout ce qui était promotion musicale et autres. Je dirais que la partie mobile, c'est surtout une partie que nous avons trouvé qui était une belle alternative aux médias traditionnels, TV, télé et autres. On s'est balancé dans la nouvelle technologie. Ça nous permet aussi de nous abolir de beaucoup de contraintes, en fait, de fait de passer par une application mobile maintenant. C'est vraiment avoir un impact sur l'ensemble de la Caraïbe, ce qu'on ne pouvait pas avoir. Avant, il fallait forcément passer par des intermédiaires pour pouvoir ne serait-ce que promotionner quelque chose ou en parler. C'est limite venu naturellement du fait que quand, à l'issue des voyages, ça a été un constat de voir que on ne sait pas ce qui se passe sur l'île où on est. On s'est dit, mais comment on pourrait renseigner les personnes à ce niveau-là et tout. C'est vrai, je disais qu'en fait, c'est là où ça, notamment ça repousse certes les limites, je dirais, toute la partie digitale Internet, donc ça nous permet, comme il disait, de ne pas avoir à passer par l'intermédiaire. Et on a tout simplement aussi notre expérience individuelle. On est des passionnés de festivals, donc on a l'habitude de se déplacer dans la Caraïbe pour assister à différents types de festivals. Et, Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas... c'était compliqué de savoir ce qui se passait, de savoir quelle expérience locale qu'on pouvait avoir. Voilà, connaître la musique vraiment locale. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Alors, pour nos auditeurs, on précise que l'application qu'ils vont se précipiter d'aller chercher dans leur application store, ça s'écrit K-R-I-B-E-A-N, Caribbean. Et je voulais savoir, donc voilà, pour ceux qui ne sont pas friands ou pour qui ça peut paraître obscur, toute la partie numérique et compagnie, les applications, qu'est-ce qu'on trouve sur Caribbean ? Caribbean, on peut se mettre dans un contexte très simple de quelqu'un qui peut se trouver, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans une autre île de la Caraïbe, qui a tout simplement besoin de voyager ou savoir qu'est-ce qui se passe dans la Caraïbe, que ce soit sur un festival de jazz de Sainte-Lucie ou un carnaval à Trinidad, savoir quand ça se passe, où ça se produit, où on peut acheter les tickets. Et à ce moment-là, ça permet de mieux organiser son voyage, de mieux savoir ce qui se passe aussi autour de nous, puisque on est souvent au courant de ce qu'on entend, mais parfois il y a des choses très intéressantes qui ne bénéficient pas d'une bonne communication. Donc ça permet d'être assez autonome là-dessus, d'être assez ouvert, et on va pousser l'expérience un peu plus loin, où on va aussi faire découvrir la musique de chaque île et en fonction des origines. Donc vous allez pouvoir arriver à Sainte-Lucie, savoir quel genre de musique on écoute à Sainte-Lucie, découvrir des artistes et à ce niveau-là, vous donner une belle expérience aussi, tout ce qui est au niveau des festivals, quoi. Lorsqu'il y a un festival à venir, on va vous faire découvrir la musique ou les artistes. C'est vrai qu'il y a pas mal d'applications qui vont donner des informations concernant les événements qui se passeraient à un tel ou tel lieu. Caribbean, nous, on a voulu vraiment orienté autour de tout ce qui est culture caribéenne. Donc c'est cloisonné uniquement à la culture caribéenne, d'où le nom caribéen d'ailleurs. Et est-ce qu'on retrouve aussi du coup les beaux événements caribéens mais qui n'ont pas forcément lieu dans la Caraïbe, comme le carnaval de Londres? Tout à fait, et c'est bien de le dire justement parce que c'est ça l'objet de Caribéen. On a une devise où on a l'habitude de dire que peu importe où vous vous trouvez, que c'est un style de vie. Parce qu'aujourd'hui nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de Caribéens qui vivent partout dans le monde, que ce soit des communautés haïtiennes à New York ou d'autres communautés caribéennes qui vivent au Canada, un peu partout, à Londres, comme on disait, ou en France. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que tous ces Caribéens-là se retrouvent autour de la même culture. Et lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut se passer, que ce soit à France ou à New York, à ce moment-là... Tout à l'heure, tu parlais du Caribbean lifestyle, du style de vie caraïbe. Je sais que c'est une évolution intéressante, donc il y a des concerts, des soirées, où on n'est plus cloisonné simplement à son île, considère un peu toute la Caraïbe pour sortir. Je voulais que vous nous racontiez un petit peu quels sont les événements comme ça qui peuvent rythmer une année dans la Caraïbe. Donc, au niveau des événements, comme on dit, il y a donc les carnavals. Donc il faut savoir que sur chaque île, il y a un carnaval à des périodes différentes, par rapport au Trinidad et Martinique où ça se passe vraiment en même temps, mais tous les carnavals sont décalés. Et chaque île a décidé de décaler leur carnaval justement pour être compétitif au niveau touristique. Ils savaient que mettre tous les carnavals en même temps, c'était pas intéressant, donc ils ont volontairement décalé leur carnaval. Donc on retrouve des carnavals en février, on en retrouve encore en juin, juillet, juin pour Saint-Vincent. Ensuite ça enchaîne sur Sainte-Lucie en juillet, puis on a la Grenade et ensuite la Barbade. On peut aller jusqu'à Saint-Kitts, en Guyane, des îles dont on n'entend pas trop parler, mais qui ont une activité culturelle très intéressante et que nous on découvre, qu'on continue à découvrir grâce à l'application d'ailleurs, grâce à tous les médias qu'on a mis en place. On n'aura même pas des concerts où vraiment il y a des concerts à foison avec des artistes de tous les horizons. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même une coordination entre les îles, puisque tu parlais du séquençage des carnavals. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous constatez quand même des faiblesses à ce niveau, ce que j'imagine? Sur ça, moi je voudrais dire quelque chose. Je pense que justement, effectivement, ce n'est pas encore la collaboration que l'on pourrait escompter au niveau entre les îles sur le tourisme. Ce n'est pas encore ça. Elles sont encore effectivement dans un système de compétition. Aujourd'hui, chaque île essaie de promouvoir sur tout ce qu'elle a à offrir. Et essayer d'attirer une clientèle étrangère plus que notre île. Et d'ailleurs, c'est sur ces faiblesses-là que Caribbean aussi a puisé certaines forces, parce qu'on a voulu présenter la Caraïbe en une seule marque. Pas présenter que la Martinique, que la Guadeloupe, parce qu'on est d'origine de ces îles-là, mais on a voulu présenter la Caraïbe sur ce qu'elle avait à offrir de commun. Donc aujourd'hui, les collaborations, peut-être sur les carnavals, ça se fait peut-être culturellement, où on a des carnavals décalés, mais il peut y arriver souvent où on retrouve des événements de grande envergure qui se passent en même temps sur plusieurs îles, parce qu'elles sont vraiment aujourd'hui en compétition sur toute la partie touristique pour attirer une clientèle américaine, une clientèle du Canada ou européenne. Et par rapport, on va dire, à comment sont perçus les Caraïbéens entre eux, là aussi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Chaque île est un peu chauvin, je dirais, entre guillemets, sur ce qu'elle a à offrir, sur sa culture, en pensant que c'est toujours la meilleure nourriture. Mais aujourd'hui, la mobilité tend à s'agrandir. Notamment, on voit ici depuis la Martinique, maintenant il est possible d'aller à New York, il est possible bientôt d'aller au Canada en vol direct. Mais il manque encore quelque chose, je pense, au niveau institutionnel pour vraiment présenter la Caraïbe en un seul. On voit quand même qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là, au niveau des gouvernements, avec notamment l'OECS, les différents organismes, où on voit, par exemple, la Martinique a adhéré dernièrement. On voit qu'il y a quand même des rapprochements qui sont en train de se faire, mais c'est encore timide, on va dire. Ça se ressent pas vraiment de façon franche, on va dire, dans l'organisation d'événements où ça reste quand même du domaine du privé. Hein. Je me souviens de la campagne d'affichage du World Creole Music Festival de la Dominique. Qui se fait ce week-end d'ailleurs. Qui se fait ce week-end. Quand l'émission passera, le festival sera déjà passé. Je ne sais pas si vous y allez. Oui. Je voulais savoir comment se situe la Martinique et la Guadeloupe vis-à-vis des autres îles. Je sais qu'il y a eu par exemple la polémique autour de la Mercury qui avait dû déménager, qui est organisée par la Martinique mais qui se passe à Sainte-Lucie. Comment vous sentez les initiatives de la Martinique et de la Guadeloupe? Je dirais que chaque île a ses forces et ses faiblesses. La Martinique, effectivement, ça évolue tout le temps, on le voit, que ce soit au niveau des événements. Il y a aussi effectivement des personnes motivées, ou que ce soit au niveau des artistes qui essaient de faire venir au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a encore une bonne partie qui est faite au niveau du privé, des organisateurs d'événements qui essaient de faire venir des artistes, même de Jamaïque et autres, pour donner des prestations de qualité. Il y a encore des freins. Il y a encore effectivement des freins, je pense qu'ils sont peut-être institutionnels, administratifs. Institutionnels et culturels. En Martinique, il y a un frein culturel, c'est-à-dire qu'on a... Mais je suis pas sûr qu'on soit sur le même tourisme. C'est pas, peut-être pas forcément le même tourisme, mais au niveau de certains événements, certains genres de musique, on va avoir des personnes plus ou moins frileuses. Qui fait que, par exemple, pour un concert de dancehall, on a eu beaucoup de temps avant de revoir un artiste dancehall ici. Parce que pendant un moment, on assimilait dancehall et violence. Donc ça joue beaucoup, en fait, sur un maire d'accepter que tel artiste vient dans sa commune. Ça joue aussi. Parce c'est vrai qu'il nous manque toujours un festival d'envergure, comme les autres îles, comme le Rock Music Festival, la question d'insécurité est revenue à chaque fois. Quand j'ai discuté avec les organisateurs d'événements, ils n'ont pas de problème à avoir des contacts. Donc la Martinique n'a aucun problème à faire venir des artistes. Elle est en contact. Il y a pas mal de gens ici qui sont relativement très bien organisés, qui sont capables de faire des événements relativement très intéressants. D'ailleurs, le dernier concert de Tarouskal est organisé par Sous le Gand. Ça a été un succès. C'est des initiatives qu'ils avaient déjà envie de faire, mais ils avaient rencontré des freins. Et on voit que quand même, ça évolue et qu'il y a des choses qui se débloquent. Ça reste des grands événements locaux. À quand un événement où tu as des Saint-Luciens, des Dominicains qui viennent pour ce festival, ça, on a vu qu'à ce niveau-là, on avait un problème de communication, nous, dans l'autre sens. C'est-à-dire, autant que le Martiniquais n'aura pas de problème à les lire de l'anglais, mais l'anglais lié au du français, ça, c'est autre chose. C'est aux Français, à la rigueur, de traduire en anglais s'il veut vraiment attirer des anglophones. Pour l'instant, je ne pense pas qu'ils le fassent, soit parce qu'ils n'en éprouvent pas le besoin au niveau de la rentabilité d'un événement, parce que des fois, un événement fait en Martinique, avec les Martiniquais, suffit d'être rentable. Donc, est-ce que c'est nécessaire de faire venir des gens de l'extérieur? Tandis que pour un Saint-Lucien ou un Dominicain, faire venir un Martiniquais, c'est une plus-value, parce que c'est un pouvoir d'achat plus important que sa population locale. Donc, c'est deux trucs différents. On n'aura peut-être pas le même mouvement, même si on commence à l'avoir, puisque sur toutes ces îles-là, il y a toutes les classes sociales, on va dire. Donc, il y a forcément des gens qui bougent. C'est vrai que l'échange se fait plus Martinique vers les autres îles que l'inverse. Mais ça commence, on sent quand même qu'il y a un mouvement à ce niveau-là. En faisant un petit tour sur le site de Caribbean, je disais tout à l'heure que le site était en anglais. Je me disais qu'il y avait une très grosse présence d'artistes reggae, dancehall et soca. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâché avec les autres? Tu parlais de représenter toutes les îles. Non, aujourd'hui, on met en avant aussi, ça nous arrive de mettre du zouk, du dédé Saint-Prix, notamment avec un show créole qu'on organise avec un partenaire à New York, où justement, pas une fois par semaine, on diffuse de la musique, que de la musique en créole. Ça peut être de la musique de Dominique, du compas, d'Haïti, ça peut être du trap de chez nous aussi, d'accent créole. Ça nous permet de faire découvrir aussi un peu cette culture-là aussi à l'étranger. Après, on essaie surtout de gagner en crédibilité avec Caribbean au niveau des autres îles de la Caraïbe. On ne voulait surtout pas que ce soit perçu comme un produit martinico-martiniquais, je veux dire fait par des martiniquais, pour des martiniquais ou pour des francophones. Donc l'idée, c'était vraiment déjà de gagner en crédibilité là-dessus. Maintenant, après, lorsqu'on parle maintenant de Caraïbes, il ne faut pas juste le prononcer, mais c'est aussi une façon de voir les choses, c'est une façon de le vivre. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être martiniquais et de chanter pour dire qu'on fait de la musique caribéenne. Il faut que cette musique aussi elle puisse s'exporter, pas que sur un marché francophone qui est un marché français. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes antillais visent essentiellement ce marché francophone. Français. Ce marché français, et on trouve que c'est l'hommage à tort, parce que leur musique peut être très bien appréciée dans la Caraïbe, mais encore faut-il qu'elle soit à cette destination. Ouais. Et quels sont les artistes Martinique ou Guadeloupe qui ont cette dimension à être exportés dans la Caraïbe? Aujourd'hui, des artistes par exemple comme Ridla de Guadeloupe, qui fait même d'ailleurs des collaborations avec des artistes de Trinidad et autres, qui aujourd'hui n'hésitent pas à évoluer sur plusieurs styles ou à venir sur la soca ou autre. On a des artistes chez nous comme Pai, qui est une bête de scène. On n'a pas besoin de chanter en anglais pour être apprécié par les autres îles. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a une belle mouvance du trap ici. Aujourd'hui, bon, le trap, ça reste quelque chose de très underground, mais pas, on va dire, qui attire pas l'unanimité sur la Caraïbe, comme d'autres musiques, comme le reggae, le soca. Le zouk, c'est une musique qui est appréciée par pas mal d'îles, comme la Dominique. Le zouk s'exporte très bien. Ouais. Il s'exporte très bien. En Haïti, le zouk n'a pas de problème. C'est intemporel. Donc après, je dirais qu'on en a beaucoup des artistes. On a une artiste récemment qui participe à une mixtape, c'est Lauraline, qui n'est pas très connue pour le moment, mais qui fait de la soca. Qui a fait une soca et qui avait bien fonctionné et qui a été appréciée par un DJ allemand avec qui on collabore pour une mixtape. Aussi qui fait de la soca mais qui chante en anglais, mais c'est une martiniquaise aussi. Il y a des artistes. Après, comme on dit, au niveau de Caribbean, comme on dit, on pourra pas tout faire, c'est à dire que on voit ce qu'il manque, on essaie d'apporter quelque chose. Et pour les artistes au niveau local, ça nous est arrivé d'en rencontrer et de leur en parler du projet. C'est vrai que au niveau des artistes, c'est autour d'eux qu'ils doivent se dire vouloir que je peux aussi communiquer aux anglais et ne pas juste se dire si je ne chante pas anglais, je ne peux pas percer dans les îles anglaises. Ce n'est pas vrai. On s'est rendu compte, notamment avec l'émission dont il parlait, qu'on fait en collaboration avec sur Island Radio, qui est une web radio de New York avec Duke, l'animateur. On leur a fait découvrir Skanky. Voilà, on leur a fait découvrir Skanky, qui est un pionnier du groupe Metal Sound, qui chante en créole quasiment exclusivement, sinon en français. Le gars est tombé fan, il nous a demandé une heure de show après ça. Donc après, on lui fournit sur le show, il découvre que il découvre carrément la culture musicale créolophone et nous demande uniquement de venir en créole. Cyclone passé et puis la tête gamblée. Madinina qui est toujours bon caïmouais. Après la pluie, soleil toujours viré. Madinina qui est toujours bon caïmouais. Bagay de plus en plus chaud, amre pour moun ka kriye. Badini n'a que toujours bon kaye mwen. Même si au loin mwen pati oblige mwen non viré. Badini n'a que toujours bon kaye mwen. Boy boy, même si ma cré la joujou tombe. Même si yo se le ba ou en gros pied. Ouais mwen frère mwen. Badini n'a que toujours bon kaye mwen. Keya, même si pour rien la check a pété. Et pour sa bon frère ça tombe. Ouais mwen c'est mwen. Badini n'a que toujours bon kaye mwen. Nous on chaye plus fort, et nous ka fait preuve d'unité. Les tambour ka jouer nous toutes la rassembler. Et yon te nous tombe, nous prend temps relever. Il y a des ouvertures en fait, mais après c'est ne pas avoir peur de démarcher. Et c'est vrai qu'avec internet encore, tout ce qui voilà, est mobile, encore, on ce sont avec des barrières qui tombent. Voilà. Des barrières peut-être psychologiques qu'on avait qui tombent, mais nous, du coup, on travaille de façon complètement débridée, sans limite, et en découvrant des marchés sans cesse en expansion. Je pense qu'on ne s'en rendait pas compte de jusqu'où pouvait aller la diaspora caribéenne, parce qu'il n'y a aucun territoire qui n'est pas touché. Et le but, c'est vraiment ça avec Caribbean, c'est vraiment de faire un pont justement pour demain, un pont demain pour nos artistes locaux, qui puissent avoir la possibilité de s'appuyer sur des médias ou des outils qui pourront leur permettre de se promouvoir ou d'avoir une visibilité sur d'autres marchés que la France, tout simplement. Vous parliez de cette émission donc avec une web radio donc basée à New York. Vous avez demandé des sélections en créole, ce qui peut surprendre pour des anglophones. Je voulais savoir voilà, quel était votre retour sur cette expérience, quels étaient les styles de morceaux que vous mettiez dans vos sélections et aussi qu'en pensaient les artistes que vous aviez mis dans cette sélection et qui étaient au courant de ça. Les retours sont positifs, on va dire, parce qu'en fait, la web radio est en attente d'un nouveau format. On était jusqu'à maintenant du prêt à diffuser, c'est-à-dire qu'on leur fournissait un mix qu'on préparait et qu'ils diffusaient. Maintenant, ils veulent qu'on passe en direct. Donc, on est en train de mettre ça en place pour pouvoir justement animer en direct cette émission-là et donner encore plus de vie à la promotion de la musique créolophone, non seulement à New York, mais d'après ce qu'il nous a dit par rapport à ces statistiques, c'est toute la diaspora africaine qui s'y intéresse et la diaspora créolophone qui se trouve aux États-Unis qui s'intéresse à ce format-là. Aujourd'hui, dans les gens sont variés. Hein. Comme je disais, on peut commencer le show avec du gros cas, du bel air, partir après sur du reggae. C'est tous les styles de musique texan créole, en fait. Voilà, on ne s'est pas posé de limite au niveau des gens. On chante en créole. Donc on va sur du bouillon de la Dominique, on va sur du compas d'Haïti, voilà, on va aller créole, sur du pop créole, on va aller sur du reggae, mais on va vraiment rechercher sur toutes les îles, ça peut être de la Guyane, la Réunion aussi, je crois qu'on oui, a déjà même intégré la Réunion dedans. La Réunion est déjà dedans aussi. Donc c'est déjà tous les genres déjà, puisque vraiment ce qu'on veut mettre en avant, c'est la créolité, puisque c'est ce qu'on a trouvé aussi qu'on avait de commun sur différentes îles. Maintenant après, contrairement aux préjugés, il y a une grosse communauté aussi là-bas, à New York, notamment haïtienne, qui écoute le show, qui apprécie le show. Les artistes qui ont pris connaissance de l'existence de ce show, parce que bon, en communiquant sur le net, on les tag sur Twitter, on les tag sur Facebook et autres, donc ils apprécient, ils repartagent. On a eu Koulou Genja aussi qui nous a remercié là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on leur donne tout simplement une autre visibilité. Une autre visibilité, un nouveau marché, c'est un plus. Un plus. Donc aujourd'hui, ça ne mange pas de pain. Donc tout va dépendre maintenant de la régularité qu'on pourra avoir à produire ce show, sur la constance, sur la durée, en essayant d'incentiver des DJ locaux et différents aussi partenaires locaux. Je dirais que les freins, c'est nous. Donc aujourd'hui, on a une écoute qui est prête, qui est là. Qui sont friands de ce qu'on a à proposer. Maintenant, il faut qu'on soit force de proposition. Welcome to Caribbean Authentic Creole, an explosion of Caribbean music and culture, powered by Caribbean. Join us every Saturday at 7 p.m. and again on Wednesdays at 1 p.m. for the show that brings Caribbean sunshine into your life. If it's the West Indies, then it must be Caribbean. Comme tu as dit, les freins, c'est nous. Donc, dans Conlambi Musique Jeudi, c'est un projet qui nous intéresse beaucoup. Donc, ce qu'on va faire dans l'émission, on va vous demander tout à l'heure de nous passer un petit mix ou un petit extrait d'une de vos émissions selon ce que vous avez trouvé d'intéressant à présenter. Je rappelle que dans Code Lambi, chaque mois, normalement, peut-être que dans celle-là, il n'y aura pas la place, mais on présente des petites sélections du mois, donc tous les morceaux créolophones, ou en tout cas issus de Martinique et de Guadeloupe, qui nous ont plu, qui m'ont plu. Donc je voulais vous demander, messieurs, quels étaient vos coups de cœur. Là, je parle vraiment toujours dans cette partie créolophone, musique créole. Quels étaient vos coups de cœur actuels que les auditeurs doivent écouter absolument? Tikimji, moi je trouve Tikimji, bien, ouais. J'aime bien ce qu'il fait déjà sur le créole. Tous les deux nous fait chemin. J'aude là nous pas rien encore. En espérant qu'un rouvreur. En pas même un là encore. Et si ça vraiment fin. Tout le monde est quand même. Hier matin nous t'es complice. J'aude là nous pas rien. Trop jeune, ça anéantit nous, nous brise nous tout l'été. Bon, il y a Strike Gaddy, hein, qui ne change pas, en plus qui arrive avec de nouvelles choses en ce moment. C'est vrai qu'il fait un bon retour, j'aime bien le retour qu'il est en train de faire là. C'est vrai qu'il chante aussi beaucoup en français, ouais. Ensemble. J'aime bien le dernier, Yannick, notre fameux Yannick, avec son morceau Yann, que je connaissais depuis un moment, mais il a enfin sorti le format vidéo. Qui ça mon Dieu c'est que nous toute la veille. Un seul bon Dieu qui ni moins sa vie pas ni deux. À notre trinité, tout le monde qui attend ni toi. Pour vivre Zion, nous pas besoin qu'un quatre. En famille, nous bosse quand commencer à 5. A tout un cap pour piche, c'est l'argument raciste. Fais yo, fais yo, bouche yo, fais mettez en 6. Ma bataille valait tout, je suis toi les équations des badges. Il y a SS Majumba, Pam aussi, que je voudrais dire, parce que ça c'est un artiste aussi qu'on suit, et effectivement qui remet au goût du jour la musique traditionnelle, le créole, avec des nouvelles sonorités qui ne se ferment pas du tout. Agonis aussi qui est pas mal, je trouve, qui a une sacrée voix. Et moi je connais plus au niveau de la danse. Mais je la connais en tant que chanteuse. Il y a Kalash, hein, y a Kalash aussi. Il y a Kalash qui est effectivement plus sur un marché européen, mais qui aujourd'hui qui est efficace, qui est efficace en créole, et ça fait du bien aujourd'hui d'entendre la nouvelle génération s'approprier le créole. Bon, aujourd'hui c'est vrai qu'il ne s'est pas encore tourné vers un marché vraiment caribéen, mais en tout cas on aime bien ce qu'il fait aussi sur le créole. En tout cas, Kalash, Stella Gonis, Aïssès Majumba, Tikimji, que des artistes que vous avez déjà entendus dans Code Lambi Musique Jeudi, donc on est sur la même longueur d'onde. Fola, oui, c'est Fola d'Abano Ibé en créole aussi, donc non, mais en fait c'est pour nommer tous les artistes. On va dire ce qu'on a entendu dernièrement, on va rester au ça. Je vous l'aurais demandé la semaine d'après. Voilà, ça changera aussi. Ça montre que c'est riche. Ouais, et c'est vrai que la musique en créole aussi, que le fait qu'aujourd'hui c'est intemporel, lorsqu'on passe des shows, que des musiques qui sont passées il y a 20 ans, 30 ans, donc sur un show, on voyage sur plusieurs années intemporellement. On voyage sur plusieurs générations. Voilà, quoi. On peut passer de la Perfecta, du Kalash en 2 minutes, quoi. Ouais, c'est clair. Something better than you. I wish you all the best. I hope you get what you want. Mais on va parler d'artistes un peu plus larges, anglophones. Internationaux, même. Internationaux, voilà, exactement. Et vous faites aussi du community management pour des grands noms du dancehall. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous avez rajouté cette corde à votre art? Cette corde, elle s'est rajoutée grâce à Caribéenne, en fait. Étant donné que Caribéenne avait la vocation à promouvoir la musique caribéenne à l'international. Donc, petit à petit, on a commencé à faire des interviews d'artistes, que ce soit d'Elephant Man, de Cécile, de General Degree, d'Omari Banks, d'Anguilla, de plusieurs personnes de différentes petites îles comme ça. Et ils ont apprécié le travail qu'on a fait. Et de fil en aiguille, on a eu l'artiste Cécile, l'artiste internationale jamaïcaine, qui nous a visité en Martinique dernièrement avec Trace, qui nous a demandé pour son nouvel album de s'occuper de la promotion en ligne, la communication en ligne, donc ça, ce qu'on appelle un peu la e-réputation et puis le community management. Donc aujourd'hui, on gère un peu son Facebook, son Twitter, son contenu, pour l'aider à mieux communiquer en ligne et surtout permettre en sorte que sa musique toujours touche de nouveaux marchés et dépasse les frontières. C'est une expérience qui aujourd'hui est renouvelée depuis 4 mois maintenant, dont aujourd'hui nous en sommes très ravis. Pareil pour l'artiste, on espère avoir d'autres artistes à gérer. On a eu Skanky, qui est local mais qui a quand même une belle histoire déjà, une belle carrière, qui nous a fait confiance aussi durant cet été pour justement remettre un petit peu à jour toute sa communication en ligne. Et on est amené à travailler aussi avec des managers d'artistes, des équipes autour des artistes, comme on a eu l'occasion de travailler avec Morgan Heritage, autour justement d'une nouvelle chanson qu'ils ont faite suite à leur Grammy qu'ils ont gagné, le Grammy Awards qu'ils ont gagné pour le meilleur album reggae de l'année. Donc on a travaillé aussi sur une campagne crowdfunding de financement participatif de Steeples. C'était vraiment excellent. Ouais. Donc on a une photo même de David Haynes qui nous a republié. Donc on a aidé un peu à pousser la campagne de financement participatif. C'est vraiment le succès que va réaliser. Le succès de la communication de la plateforme caribéenne qui est autant sur Instagram, Facebook, et les sites, qui a créé une sorte de demande. Donc on espère pouvoir apporter cette plus-value-là autant à des artistes, comme on dit, internationaux que locaux. Donc c'est pour ça qu'on est en prospection aussi auprès d'artistes locaux pour le même travail. Les gars sont modestes, puisque pour des amateurs de dancehall aux Antilles, on va dire que les artistes jamaïcains sont quand même mis sur un certain piédestal. En tout cas, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les barrières qui tombent. Pour que vous en arriviez à travailler pour Cécile, quelque chose a évolué. Quelles sont les qualités que vous possédez qui fait qu'elle a préféré passer par vous que par certainement d'autres contacts qu'elle pourrait avoir dans le milieu anglophone? C'est vrai qu'on essaie, on essaie souvent, on parle souvent d'authenticité. On essaie souvent de mettre l'authenticité en avant. Lorsqu'on parle d'authenticité, on parle d'originalité, on parle aussi de créativité. On essaie de ramener quelque chose de rafraîchissant à l'artiste par rapport à tout ce qui a déjà été fait, que ce soit par cet artiste-là ou par d'autres artistes. Je pense que ce que Cécile a apprécié chez nous aussi, c'est notre engagement, notre investissement complet à essayer de lui apporter le meilleur et à essayer de la présenter à son public sous son meilleur jour. Que, d'ailleurs, elle nous a fait une petite remarque, anecdote. Si on a réussi à gagner ce contrat-là, c'est parce qu'elle s'était retrouvée à travailler avec des équipes depuis plusieurs années qui, des fois, n'avaient pas délivré quelque chose d'aussi intéressant que ce que nous, on a pu délivrer gratuitement. Donc sur une intervention gratuite qu'on a pu faire avec elle grâce à une interview qu'elle a pu nous donner et qui a été vraiment une opportunité pour nous, elle a apprécié notre démarche, elle a apprécié comment on a goupillé les choses et de fil en aiguille, elle nous a proposé de nous donner plus de champs d'action. Ça veut aussi dire que une artiste internationale de l'île, on va dire, qui mène un peu la Jamaïque, a quand même entendu votre discours de pensée caraïbe avant de penser de façon plus cloisonnée. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment sur ça où je disais encore qu'il était important pour nous de gagner en crédibilité. Jusqu'à aujourd'hui, avec beaucoup d'artistes, on s'est pas souvent présentés en tant que Martiniquais. On s'est souvent présentés comme des Caribéens. On est des Caribéens en fait, et on ne dit pas voilà. D'où on vient. Vient après en fait. On veut vraiment que l'artiste ait l'impression qu'on va lui donner notre meilleur autant que si elle était martiniquaise. Voilà. Parce que souvent, justement, quand on parlait tout à l'heure de compétition entre les îles, parfois il y a une question de gagner la confiance lorsqu'on est d'une autre île ou pas. Et réussir à gagner la confiance de Jamaïcains, ça a été pour nous des formateurs. Parce que nous aussi, on entend des choses des Jamaïcains par rapport au business, la réputation de certains, et on peut avoir certaines appréhensions à aller vers eux directement. Donc le fait qu'elles soient venues vers nous, déjà, c'était autre chose. Mais après, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'est une grande professionnelle et du coup, on apprend beaucoup. Comment vous jugez aujourd'hui le succès de Caribbean, de l'application? Par exemple, le fait que des artistes comme ça, d'un certain standing, vous fassent confiance, ça peut être une façon de constater une appréciation. Aujourd'hui, en termes de, peut-être de suivi, d'achat de l'application, de réseau, comment vous mesurez cette solution? Je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu partagé par rapport au succès que Caribbean a eu. On s'est retrouvé justement à travailler pour des artistes et à être pris dans l'engrenage de l'opérationnel et à travailler au jour le jour sur la communication des artistes et ne plus avoir le temps de développer le fond, la plateforme caribéenne que l'on souhaite, qui puisse donner, je dirais, une autre dimension à tous ces artistes-là et une autre visibilité. Donc aujourd'hui, on essaie de pallier les deux et je suis ravi que Mathieu m'ait rejoint là-dessus pour ça. Donc pour justement trouver le juste milieu, à savoir comment gérer l'opérationnel, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire fonctionner la machine, puisque c'est la principale source de revenus que nous avons aujourd'hui. Et d'un autre côté, réinvestir dans le développement de la solution, du projet, puisque ça reste ça, je dirais, notre cheval de bataille. Développer une plateforme, une solution qui va demain permettre à plusieurs artistes de se promouvoir sur des marchés extérieurs. Pour la mesure du succès, comme tu disais, je dirais qu'il y a plusieurs façons de la mesurer. Donc, comme tu dis, pour l'application mobile, ce serait au nombre de téléchargements. Donc, si on devait vraiment regarder ça, on dirait qu'on a un succès timide. Qui s'en sort bien, mais on aspire à plus, on va dire. On a envie que ça soit plus, bien sûr. Mais si on devait regarder par rapport au parcours effectué, par rapport au retour des personnes avec lesquelles on travaille maintenant. Pour nous, c'est un succès. C'est vraiment un bon succès. Et maintenant, comme il dit, il faut concrétiser ça parce qu'après, pour parler à certaines personnes, notamment des investisseurs ou autres, il faut parler en chiffres. Il y a deux mondes qui se côtoient, comme dans la vie. Il y a le côté passion, comme pour tous ceux qui font de la musique, il y a le côté passion. Mais à un moment ou à un autre, on est confronté au côté business. On approche de la fin de l'interview. Petite question, j'ai lu les deux interviews qu'il y a sur votre site, donc Caribbean. News.caribbean.com pour les interviews. Les interviews, c'est news, ouais. J'ai lu les interviews de Cécile et d'Elephant Man. Ah, c'est sur Reviews, ouais. Et il y avait les deux parlaient un peu de l'évolution du dancehall. Je voulais savoir, vous qui êtes des acteurs de ça et qui vous rendez au concert, qui voyagez, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou partagez ces points de vue? Moi, je dirais que ça dépendrait des artistes, en fait, souvent. De leur capacité à évoluer en live, c'est pas une question d'époque pour moi. Il y avait des... C'est vrai qu'avant, c'était plus difficile de rencontrer quelqu'un qui n'était pas bon en live. Il n'avait aucune chance. Maintenant, on peut tomber sur quelqu'un qui, par rapport à justement le fait qu'il ait du succès sur Internet ou ailleurs, puisse se retrouver sur des scènes. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le côté technique de la musique pour se dire que cette personne-là, elle chante avec une aide, souvent ce qu'on dit des vocodeurs ou les auto-tunes. Et c'est vrai que ça peut amener des gens qui ont connu la dancehall depuis longtemps à se dire « ouais, la dancehall, c'est plus ce que c'était ». Mais moi, je trouve qu'avec ce qu'ils ont, les outils qu'ils ont, avec ce qu'ils réussissent à faire quand même des choses qu'ils peuvent faire danser. Je dirais quand même que la dancehall est en train de connaître quand même un nouveau bouleversement. On est dans une autre étape. Lorsqu'on croyait que peut-être que ça allait mourir, notamment par rapport au fait qu'on travaille avec Cécile, aujourd'hui, quand on voit les femmes de dancehall jamaïcains, il n'y en a plus beaucoup. Les Dissot s'est tourné vers le gospel aujourd'hui. Elle s'appelle Marion Hall. Aujourd'hui, bon, il reste encore Spice, peut-être, et Cécile. Là, on a Mister Vegas aussi qui commence aussi à aller vers le gospel. Donc, c'est vrai qu'il y a eu à un moment une diabolisation du dancehall, surtout en Jamaïque par rapport aux lyrics qui étaient utilisés. Même des radios de Jamaïque, de Trinidad voulaient bannir un peu la dancehall. Après, on vit dans une période aussi par rapport à tout ce qui se passe mainstream et au niveau des nouvelles technologies. On a du dancehall qui se remet au goût du jour grâce à Drake. Qui est aujourd'hui remet Justin Bieber. Voilà, Justin Bieber, Drake, Rihanna, qui aujourd'hui remettent un peu le dancehall un peu grand public comme Sean Paul l'avait fait, ou Shabba, ou chaque fois il y a des phases comme ça, l'avait fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans une bonne période pour le dancehall s'il est bien fait. Maintenant, c'est vrai que le dancehall comme on l'a connu, qui pouvait être un peu dancehall stackness, c'est vrai que celui-là, je pense que peut-être que oui, il est en train de vivre des moments un peu plus durs. Maintenant, après, on a toujours des vibes cartels qui arrivent à lever des publics énormes ou des pop-cans. Non, ça reste des individualités. Tu parlais pour la Martinique, la Guadeloupe, de l'orientation très tournée vers le marché francophone, enfin même français, au lieu de voir tout ce que proposait la Caraïbe. Il y a quand même. Les États-Unis, même, je dirais. Oui. On est tout près. Il y a tout un mouvement d'internationalisation, mainstreamisation de la musique, même caribéenne. Le dancehall est très influencé par le rap, la trap. Tout à fait. Et aussi, on a vu une grosse émergence de la musique trinidadienne. Avec les rencontres avec la musique électronique, IDM, comme on dit, etc. Avec Major Lazer. Exactement. Je voulais savoir comment vous percevez ces mouvements-là. Est-ce que c'est simplement quelque chose qui apporte un éclairage sur la musique caribéenne ou est-ce que ça dénature la musique caribéenne? C'est dangereux. Aujourd'hui, on discute avec beaucoup d'artistes de fondation, on va dire, qui sont là depuis un moment. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dangereux parce qu'il y a une assimilation qui se fait des musiques caribéennes, des sonorités. Et effectivement, avec un risque de perdre une authenticité, justement, on parlait d'authenticité. Donc il y a ce risque-là, il y a ce désir de toucher un plus grand public. Donc c'est encore, on va dire, un juste milieu qu'il faut trouver. Notamment, on a vu toute la polémique qu'il y a eu quand on parlait de Drake avec le fait qu'il n'y avait pas eu justement de retour donné à la musique caribéenne et aux artistes qui avaient contribué, on va dire, à ces dernières musiques qui avaient ces sonorités-là. Donc aujourd'hui, je pense encore, comme je disais, que nous sommes nos premiers freins. Donc il va falloir aujourd'hui, on est toujours dans cette phase où il faut qu'on se prenne en main, qu'il faut qu'on se structure et il faut qu'on défende cette musique caribéenne qui est la nôtre, tout en cherchant à l'exporter. La garder authentique ne veut pas dire la garder pour nous. On peut très bien la partager, je pense, avec le monde. Et d'ailleurs, on a puisé de l'extérieur aussi dans certaines de nos musiques. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une question de chaque individualité, d'avant tout d'essayer de faire et de travailler autour de ce qu'il aime et de ce qui est authentique, plutôt que de chercher tout simplement à faire le buzz ou juste du mainstream. Une dernière question, pour revenir sur les événements autour de la musique, donc les festivals, les très grosses soirées, etc. Comment vous percevez les nouveaux produits, on va appeler ça comme ça, comme les croisières musicales, donc Caribzik, si vous avez eu l'occasion d'y aller, et aussi les polémiques, on va dire, ça rejoint un peu la question précédente sur des très grosses soirées comme la Mercury, entourées de certaines polémiques sur le style de vie qui est associé. Je crois avoir vu une photo de Mathieu avec un t-shirt caribéen qui était allé faire une enquête pour le terrain. Exactement, toujours. Moi, j'ai pour coutume de dire aux gens que chacun vit l'événement à sa façon. Certains vont y aller pour, on va dire, mater, pour les filles en bikini, il y en avait pas mal, c'est clair. Je ne suis pas aveugle, je suis comme tout le monde. Ce que j'ai retenu pour ne rien vous cacher, c'était vraiment le show live qu'il y a eu le dimanche, qui était pour moi extraordinaire. C'était le lundi ou le c'est dimanche, je crois. C'est dimanche. Ouais, c'est dimanche qu'ils ont fait le branche. Il y avait un show live qui était, je pense, qui a remis tous les francophones qui étaient là d'accord avec ce qu'on appelle la soca. Pour moi, c'était avec donc Machel Montano et Benji Allen et Final. C'était les deux ténors de la soca et je vous assure que c'était un show extraordinaire. Viking from in on the junction, destroying the stage from a shall function. Drop the line, they're in a malfunction. Turn them, we'll give them the, just give them the. Anything when they want, we'll give them the. Any style, any pattern, any rhythm the. You just ask questions, we will give them the. We just give them the, just give them the. Anything when they want, we'll give them the. Any style, any pattern, any rhythm the. Just ask questions, we'll give them. Just turn them anywhere we go, anywhere we go, anywhere we go. We'll run show. Après, pour tout ce qui est du style de vie, il faut savoir que dans les îles anglaises, cette façon de danser, c'est leur façon de danser. C'est leur façon de danser, comme nous, on danse le zouk. Les gens qui souffrent plus que de voir des gens danser l'un derrière l'autre ne se rendent pas compte que nous, on danse avec la cuisse entre les jambes d'une autre femme. Quelqu'un qui... Moi, j'ai eu ce regard-là en arrivant en France, quoi. Quand je suis arrivé en France et que j'ai commencé à discuter avec des amis de danser du zouk, ils m'ont dit, mais tu es en train de te frotter à la fille. Alors que nous, on s'est jamais dit, mais je suis en train de me frotter, je suis en train de danser du zouk, de chercher des pas, de comme ça. Et eux, c'est comme ça qu'ils dansent. Une fois qu'on est dans... Une personne qui a vécu dans une île anglaise va vous dire toujours la même chose. Elle a du mal, après, à pouvoir danser comme ça ici, parce que le regard des gens est différent. Mais quand vous allez sur une île anglaise, c'est pour cela que cet événement-là se passe bien comme ça, que les gens se lâchent, parce que là-bas, personne ne vous juge. Donc après, qu'il y ait des dérives, il y a des dérives ici au carnaval, il y a des dérives partout. Dès qu'il y a frottement, il peut y avoir des dérives. Mais normalement, dans les carnavals, c'est bonne ambiance. Pour ceux qui ont fait des carnavals dans les îles anglaises, c'est de l'amusement total, c'est du défoulement. Il faut savoir se lâcher et arrêter d'aller là avec des jugements ou quoi que ce soit. Et si on continue à être guindé comme ça, c'est encore des freins qu'on se donne. Après, je dis, il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes parce qu'on a vu quand même dans certains trucs où ça va dans les extrêmes. Je ne suis pas pour les extrêmes, comme pour n'importe quoi dans la vie. Il faut savoir avoir des garde-fous. Mais pour moi, ces événements-là, ça reste encore assez gentil. Bon, après, pour revenir sur les croyances musicales, effectivement, ça, c'est à la mode. Hein, et ça fonctionne très bien. Je crois que ça avait été lancé avec le Jamrock Reggae Cruise. Tout à fait. Donc après, tout le monde a voulu le faire aussi façon soca. Peut-être qu'on en aura demain à Zouk. Je crois que ça se prépare d'ailleurs. En fait, pour le contenu, c'est qu'il y en a qui étaient moins connus de croisières musicales. Je connaissais par rapport à ma prof de cours de chant à l'époque qui, elle, me disait qu'elle faisait, elle chantait une croisière et qu'elle faisait toujours des croisières musicales. Je pense que ça répond à la demande aussi du public. On le voit aujourd'hui, les croisières ont un franc succès. Ça répond à la demande du public aujourd'hui de vouloir voir des artistes performer et le maximum d'artistes performer au cours d'un événement. Donc je pense qu'aujourd'hui ça se fait très bien, que ce soit avec la Caribzik, à voir maintenant sur la régularité, si ça continue ou si c'est juste un effet de mode. Et les événements comme la Curie Beach, qui d'ailleurs se sont inspirés du Anguilla Mondé. Tout à fait, Auguste Mondé. Du Auguste Mondé, du Bacchanal Fest et autres. Moi je pense qu'il n'y a aucune problématique là-dessus. Que si on a la capacité, les compétences et la visibilité de faire des choses, il faut se considérer comme caribéen. Et donc même si on ne peut pas les faire en Martinique, qu'on aille les faire à Sainte-Lucie ou ailleurs, pourquoi pas. Et on voit d'ailleurs que la communauté suit. Donc je pense que c'est quelque chose qui reste bon pour tout le monde. Maintenant, si demain on peut avoir des événements comme ça aussi chez nous, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est peut-être de problématiques institutionnelles, administratives, pas mal de choses qui rentrent en compte. Mais aujourd'hui, tant qu'il y aura des Mercury Beach, tant qu'il y aura des Uber Cruise, des Jamrock Reggae Cruise, je pense que c'est bien. Je pense que nous étions demandeurs de ça, demandeurs d'événements, demandeurs... On se rend compte que le Caraïbe aussi, hein, c'est pas comme... Voilà, parce qu'il y a une croisière Soca qui vient, c'est Uber Soca Cruise. Il y en a une ce week-end, Soca on the Seas. Soca on the Seas, il y a... Qui part de Miami, je crois, jusqu'aux Bahamas, avec aussi une flopée d'artistes de toutes les îles. Donc oui, je pense qu'on est en train de... Ça évolue. Ça évolue. Ça va vite en tout cas. Ça bouge vite. Ça bouge très vite. Ça bouge très vite. Donc tant mieux. Maintenant, après, c'est plus une question de budget. Pour avoir le budget pour pouvoir faire tous ces événements, se déplacer sur les îles. Tu peux annoncer un à l'avance maintenant. Hein. Donc voilà. Donc, après, c'est le petit bémol que j'aurais. C'est même avec tous ces artistes aujourd'hui qu'on voit qui viennent. Jacquio, Tori Swahili. Donc maintenant, c'est... est-ce que ces événements vont réussir à se démocratiser à un large public? Parce que c'est vrai qu'il faut avoir un certain budget quand même, pour pouvoir participer, que ce soit relativement cher, quand c'est que ce soit aux croisières musicales, ça demande un budget. Merci Mike Poney, Mathieu Rose, l'application Caribbean. Si vous voulez expérimenter le style de vie à la caribéenne, si vous avez un petit mot de la fin. Déjà, merci à toi, Edson, de nous avoir conviés à cette interview. Merci pour toutes les personnes qui ont téléchargé l'application. En un an, on avait quand même eu 4000 téléchargements sur l'année, éparpillés un peu partout dans le monde. On sait qu'on a beaucoup de Martiniquais qui nous suivent, beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de en France, même localement. Donc, merci à tous de nous suivre et on va faire de notre mieux pour continuer à vous apporter toute cette bonne vibration, ces bonnes vibes et tous ces beaux événements qui se passent un petit peu partout autour de vous. Your show on the island with you. Fraîchement sorti Martinique pour descendre New York by Islander Radio. C'est le Caribbean Authentic Creole Show. Japonette garçon, écoutez, tous les samedis au soir c'était Guyane, Martinique, Dominique, Saint Lucia, Guadeloupe, Guyana. Show! Caribbean Authentic Creole Show by Islander Radio. Écoutez ça, garçon, tous les samedis, c'était islanderradio.com. Show! Caribbean Authentic Creole Show on Islander Radio. Every Saturday from 7 p.m., a whole hour of Creole spoken songs, reggae, dancehall, soca, zouk, calypso, traditional. All the rhythm that will make you have a blast. Oh, descend pas bon la gazen. Mwen ka montre yo soldat de gaz. Mwen ka di li bonjour mon sentinel. Li ka di mwen bonjour chef de mwazen. Mwen ka mande si pa wè milo. Li ka di mwen milo zabati. Ni lwa mbage sou le kwa bako. Li voyage pou la ne majitou. Mon milo milo. Milo mange mon. Mon milo milo. Milo mange mon. Bataille d'Angleterre. Milo mange mon. Bataille de Whittier. Milo mange mon. Sou le bon di mo. Milo mange mon. Milo mwen yon gay mo. Milo mange mon. Milo mwen yon gay mo. Milo mange mon. Fila mwen ka pa di soldat. Fila di mwen montre yo da bela. Le mwen montre fila o da bela. Fila nombe wi yo chow da sou. Mwen milo bilou. Milo mange mwen. Mwen milo bilou. Milo mange mwen. Bataille d'Angleterre. Milo mange mwen. Bataille de Whittier. Milo mange mwen. Sou le pont di mo. Milo mange mwen. Milo mwen yon gay hay. Milo mange mwen. Milo mwen yon gay mwen. Milo mange mwen. Milo mwen yon gay mwen. Milo mange mwen. Milo mwen yon gay mwen. Milo mange mwen. Mwen la jol, mwen pa sa manje, mwen ni bwe, mwen la jol, mwen pa sa manje, mwen ni bwe, Caribbean Authentic Creole Show. Avec EDS, et je vous donne rendez-vous le mois prochain, premier dimanche de chaque mois, 16h-17h sur Radio FPP. kabe wam se pou nou amize nou. Si nou boule, nou boule. Si nou jeme, nou jeme. La joie de vivre, c'est anti-société. Ka nou forme, ki pa ni gero. Nou kabe wam se pou nou amize nou. Si nou boule, nou boule. Si nou jeme, nou jeme. La joie de vivre, la joie de vivre. La joie de vivre, la joie de vivre. La joie de vivre, la joie de boire. La joie de vivre, la joie de boire. La joie de boire, la joie de boule. La joie de boire, la joie de boule. La joie de boule, de boule à terre. La joie de boule, de boule à terre. De boule à terre, de tout partout. De boule à terre, de tout partout. La joie de vivre, c'est anti-société. Que nous formons, il va n'y guérir. Nous, quand même, on sait pour nous, amuser nous. Si nous voulons, nous voulons. Si nous t'aimons, nous t'aimons. La joie de vivre, la joie de vivre. La joie de vivre, la joie de vivre. La joie de vivre, la joie de boire. La joie de vivre, la joie de boire. La joie de boire, la joie de bouler. La joie de boire, la joie de bouler. La joie de bouler, de rouler à terre. La joie de bouler, de rouler à terre. Les boulets à terre, venez tout partout. Les boulets à terre, venez tout partout. Quand même, on a dit qu'il y a un show.